Si vous voulez dire « je suis désolé », c'est que vous voudrez sans doute dire à un moment ou à un autre en espagnol, vous direz « je le sens ». « Je sens » se dit « siento ».« Siento » qui s'écrit « s-i-e-n-t-o ». « Siento ».« Siento » c'est « je sens ». Le O final de « siento » dans le verbe indique la première personne du singulier, le « je ». D'ailleurs, pour « je » en espagnol, hein, le mot qui correspond à « je » est « yo » qui s'écrit « y-o hein, »,« yo ». Mais, si vous dites « yo siento », ce serait une manière d'insister, de dire non pas « je sens », mais « moi je sens ah. ». Hein, en français, vous ajouteriez « moi ». Donc, à moins de vouloir insister sur le « je », il ne faut pas dire « yo », parce que le « je » est déjà contenu dans le « o » final de « siento ».« Siento » tout court, c'est « je sens ». Et donc, pour dire « je suis désolé », on dit littéralement « je le sens », c'est-à-dire « lo siento, yo lo siento, quoique on nommait le yo, il reste juste lo siento, je le sens, je suis désolé, lo siento. Après je suis désolé, vous voudrez peut-être dire mais, je suis désolé, mais, et mais se dit pero, pero, P-E-R-O. Pero. Donc, comment direz-vous « je suis désolé, mais... » Lo siento, pero... Lo siento, pero... Hein? Lo siento, pero... Je suis désolé, mais comme ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Lo siento, pero... Así... No es acceptable para mí. Attention, c'est presque parfait, mais acceptable, hein, en espagnol, a un seul C. Je vous repose la question. Je suis désolé, mais comme ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Lo siento, pero así no es acceptable para mí? Très bien, c'est ça. Lo siento, pero así no es aceptable para mí. Et je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Lo siento, mais... Pero... C'est bien. Lo siento, pero... No es... Ce n'est pas possible. Ah oui, no es posible. Bien. Lo siento, pero no es posible. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible.